Josette assis, Josette abordée. Le soir je viendrai pour te border. Que je te borde par le pavot d'abord. Mais tous les gars de la bordée veulent autant que moi t'aborder. La nef des fous va déborder, bordel. Josette assis, Josette attachée. À toi je serai vite attaché. Que je t'attache sur le bâbord d'abord. Mais tous les gars de la cordée veulent autant que moi t'accorder. Une nuit entière pour t'attacher, tâcher. Josette assis, Josette t'attirer. Dans un piège pour te tirer. Que je te tire à bâbord d'abord. Mais toute l'équipe est équipée en piège et même suréquipée. Toute la bande se met à bander, bander. Josette assis, Josette abordée. Le soir je viendrai pour te border. Que je te borde par le bâbord d'abord. Josette assis, Josette attachée. À toi je serai vite attaché. Que je t'attache par le bâbord d'abord. Josette assis, Josette attachée.